animation, concert, j'y vais en courant, du 24 au 27 septembre, réduction chez les partenaires, ça se passe à Metz et c'est d'enfer. Car je suis étudiant dans ma ville, aujourd'hui, étudiant dans ma ville, je souris, étudiant dans ma ville, car je suis étudiant dans ma ville.